franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, le cas Houellebecq, chronique d'un phénomène littéraire. On définit souvent les célèbres cahiers de Lerne, ces grandes monographies blanches consacrées à un homme de lettres ou de pensée, comme des dynamiteurs d'idées reçues. Eh bien, début janvier, le numéro consacré à celui qui est sans doute l'écrivain contemporain français le plus célèbre ne déroge pas à la règle. Au fil des 400 pages, entre témoignages d'amis, critiques des œuvres, publications d'inédits et anecdotes inconnues, c'est un autre Michel Houellebecq qu'on découvre. Ou plutôt, un Michel Houellebecq pluriel. À la fois poète, romancier, musicien, photographe. Une démarche qui a le mérite, un temps, de contourner l'écrivain provocateur, scandaleux ou manipulateur médiatique. Car voilà, et c'est un fait, Michel Houellebecq est une star. Un phénomène littéraire où se brouille et s'embrouille ce qu'il déclare et ce qu'il écrit, ce qu'il pense et ce qu'il fait dire à ses personnages. Génie visionnaire pour les uns, imposteur réactionnaire pour les autres, Houellebecq ne laisse personne indifférent. Quel miroir nous tend-il pour que chacune de ses publications soit un tel électrochoc? Quel est son parcours? Quelles sont ses idées, ses mots? Le milieu littéraire, celui des éditeurs, des prix, des critiques, des médias, a-t-il joué dans la création du phénomène Houellebecq? À l'inverse, en quoi cette image, cette présence, cette attitude que l'écrivain renvoie a-t-elle participé à la construction du personnage? Quel regard, enfin, porté sur cette œuvre qui, quoi qu'on en dise, marquera son époque? Pour répondre à ces questions, en seconde partie d'émission, nous recevrons Sylvain Bourmeau, journaliste et producteur spécialisé dans la culture. Il connaît bien l'œuvre de Michel Houellebecq et il connaît bien l'homme et depuis ses débuts. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attachée de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Eric Oswald, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Mehdi Fattah. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Certains disent, regardez ce qui se passe en coulisses. Comme c'est beau, toute cette machinerie qui fonctionne. Toutes ces inhibitions, ces fantasmes, ces désirs réfléchis sur leur propre histoire. Toute cette technologie de l'attirance. Comme c'est beau. Hélas, j'aime passionnément, et depuis toujours, ces moments où plus rien ne fonctionne. Ces états de désarticulation du système global qui laissent présager un destin plutôt qu'un instant, qui laissent entrevoir une éternité par ailleurs niée. Il passe, le génie de l'espèce. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Michel Houellebecq, car c'est par la poésie qu'il fait son entrée en littérature. Nous sommes au milieu des années 80, dans une discrète allée du 12e arrondissement de Paris, au 70 rue de Picpus. Là se tient une bibliothèque municipale, où se réunit une fois par mois, dans l'auditorium, une quinzaine de poètes amateurs. Ils viennent lire leurs textes, écouter ceux des autres, et surtout parler de littérature. Parmi eux, un jeune homme à l'allure discrète, un peu frêle. Voix douce, saccadée, comme retenue. Il s'appelle Michel Thomas. De lui, on sait peu de choses, tout juste s'il est né le 26 février 1956 ou 1958, à La Réunion, qu'il a été abandonné par ses parents peu de temps après sa naissance, et qu'il a été élevé par sa grand-mère, dont il prendra le patronyme pour devenir l'écrivain Houellebecq. Élève plutôt doué, il intègre l'école d'ingénieur agronome, puis l'école Louis Lumière. Il se tourne ensuite vers l'informatique, d'abord dans le privé, puis au ministère de l'Agriculture, rue de Picpus, juste à côté du Cercle des Poètes. Rien d'extraordinaire, finalement. Ce qui est le plus, ce sont ses poèmes. Dans le groupe, tous en conviennent. Il se passe quelque chose avec ce jeune écrivain à l'air quelque peu distant et désabusé. Oui, cette manière d'utiliser les alexandrins chers aux poètes romantiques de la fin du 19e, les rimes, le souffle lyrique pour raconter le désenchantement du monde moderne occidental. Non, décidément, ce n'est pas banal, c'est même nouveau et fort. Si les textes de Michel Thomas, bientôt Houellebecq, sont remarqués et publiés en 1985 dans la Nouvelle Revue de Paris, il faut attendre le début des années 90 pour que le jeune auteur publie ses premiers ouvrages. Et il débarque dans la sphère littéraire, là où on ne l'attend pas, avec deux essais intitulés « Restez vivant, Méthode et H.P. Lovecraft contre le monde, contre la vie. Le premier est une suite de textes courts en forme de réflexion sur la souffrance et la poésie. Le second est consacré à Lovecraft, donc cet auteur de science-fiction peu connu du grand public. Toujours en 1991, il publie son premier recueil de poésie, La poursuite du bonheur, qui trouve un certain écho dans les milieux spécialisés. Resté vivant, La poursuite du bonheur, le premier Houellebecq est conquérant. Face à la souffrance, à la guerre, à la noirceur du monde, il faut tenir ou, au moins, essayer. Pour Houellebecq, ce sera par l'écriture, comme une profession de foi. Petit à petit, à la marge, son nom circule. Premières interviews sur France Culture, premiers articles, premiers prix, tout cela commence à faire connaître ce jeune écrivain. Joachim Vital, le fondateur des éditions La Différence, est l'un des premiers à avoir découvert et édité Michel Houellebecq. Il dit de lui qu'il a le profil idéal pour éblouir un siècle borgne. Et pour y parvenir, quoi de mieux que le roman, ce genre qui, plus que tout autre, sont de son époque. Ce sera en 1994, avec Extension du domaine de la lutte. Une succession d'échecs, ce livre. Enfin, comme... comme souvent en nos vies, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, le personnage, disons, n'essaye plus grand-chose et se trouve peu à peu réduit à l'immobilité. On pourrait décrire ça comme une immobilisation progressive, quoi. Une dépression de type apathique. Vendredi soir, j'étais invité à une soirée chez une collègue de travail. On était une bonne trentaine, rien que des cadres moyens âgés de 25 à 40 ans. À un moment donné, il y a une connasse qui a commencé à se déshabiller. Elle a ôté son t-shirt, puis son soutien-gorge, puis sa jupe, tout en faisant des mines incroyables. Elle a encore tournoyé en petite culotte pendant quelques secondes, puis elle a commencé à se ressaper, ne voyant plus quoi faire d'autre. D'ailleurs, c'est une fille qui ne couche avec personne. Ce qui souligne bien l'absurdité de son comportement. On dit parfois qu'il suffit de prendre au hasard quelques lignes d'un ouvrage pour retrouver toute l'œuvre d'un auteur. À entendre ces premières phrases du premier roman de Michel Houellebecq, on touche déjà tout un pan de son univers. Que nous raconte Extension d'ailleurs ? L'histoire d'un cadre moyen, analyste programmateur dans une société d'informatique qui se rend en province pour donner une série de formations. Et d'emblée, le ton Houellebecq s'impose avec ce regard sociologique qui, en quelques phrases, parvient à décrire les impasses d'une époque. Il redonne au roman ce qui fait sa force, à la manière d'un Balzac ou plus proche d'un Georges Perec avec les choses, et avec cette capacité du genre à décrire l'état de la société actuelle, d'en saisir le pouls. Et puis on lit chez Houellebecq des choses qu'on n'avait pas beaucoup rencontrées jusque-là dans la littérature. Les classes moyennes, le secteur tertiaire, le monde de l'informatique, le tout agrémenté d'un style efficace, à l'humour ravageur. Le manuscrit de ce premier roman arrive sur le bureau de l'éditeur Maurice Nadeau, connu pour avoir révélé de nombreux écrivains. Ce dernier l'accepte immédiatement. La réputation de l'éditeur, un premier passage télévisé, quelques articles élogieux, puis le bouche à oreille, l'extension du domaine de la lutte se vend à 10 000 exemplaires. De quoi attirer l'attention d'un éditeur plus important. Eh bien, ce sera Flammarion. C'est aussi à ce moment que Michel Thomas démissionne de son travail pour se consacrer entièrement à l'écriture. Il devient alors et définitivement Michel Houellebecq. Il faudra attendre 4 ans pour que le 24 octobre 1998 sorte son deuxième roman, Les particules élémentaires. Il vécut en des temps malheureux et troublés. Le pays qui lui avait donné naissance basculait lentement mais inéluctablement dans la zone économique des pays moyens pauvres. Fréquemment guettés par la misère, les hommes de sa génération passèrent en outre leur vie dans la solitude et l'amertume. Les sentiments d'amour, de tendresse et de fraternité humaine avaient dans une large mesure disparu. Dans leurs rapports mutuels, ses contemporains faisaient le plus souvent preuve d'indifférence, voire de cruauté. La vie, pensait Michel, devrait être quelque chose de simple. Quelque chose que l'on pourrait vivre comme un assemblage de petits rites, indéfiniment répétés. Des rites éventuellement un peu niais, mais auxquels cependant on pourrait croire. Une vie sans enjeu et sans drame. Mais la vie des hommes n'était pas organisée ainsi. Parfois, ils sortaient, observant les adolescents et les immeubles. Une chose était certaine. plus personne ne savait comment vivre. Quand on lit vos livres, on a l'impression que vous ne croyez plus à grand-chose. En tout cas, plus au sexe. Si. Mais si, il y a au moins deux passages sexuels qui se passent très bien. À quoi croyez-vous ? À la compassion. Pourquoi ? Parce que ça suffit. Comme valeur. On peut ici s'arrêter sur une image, une photo qui contient en fait tout ce qui suit. On la doit à Renaud Montfourny au magazine Les Inrecuptibles. Le journal culturel en pleine transition parie sur l'écrivain depuis son premier roman et décide de lui consacrer un long entretien. Alors le style Houellebecq s'installe. On l'y voit, le regard droit face à l'objectif, habillé d'une veste et d'un pantalon trop large, un peu vieillot. La main droite amorce le célèbre mouvement, saisir la cigarette entre le majeur et l'annulaire, et au bras gauche, un sac plastique d'une grande surface. C'est Raphaël Sorin, son éditeur, qui assure le lancement du nouveau roman avec ce qu'on fait de mieux ou presque dans l'information littéraire, la couverture des Inroc et celle du magazine Lire. Une manière de toucher à la fois un public jeune et parisien et un autre plus classique. En quelques jours, Houellebecq est partout, télévision, radio, journaux. Après l'image, c'est le personnage qui s'impose. Son phrasé, lent, murmuré, et ses positions sombres, désabusées toujours, étranchées souvent. Car dans les particules élémentaires, à travers la vie de deux demi-frères, Bruno et Michel, Houellebecq reprend et déploie de nouveau ses obsessions dans un naturalisme glauque, la dénonciation du libéralisme sexuel et économique de l'après-68, une écriture crue de la sexualité, la science-fiction, notamment la génétique, avec l'utopie qui clôt le livre. Chez Houellebecq, il n'y a pas de nostalgie, pas d'espérance future, juste le constat amer d'une impasse. Un plan média réussi, un écrivain à la personnalité troublante, un roman aux affirmations dérangeantes, tous les ingrédients sont réunis pour faire des particules l'événement de la rentrée littéraire. Reste à attendre que la polémique survienne. On va passer au livre de Michel Houellebecq. Alors je disais une polémique invraisemblable, encore Le Monde de ce soir... Une double page encore contre vu, vous, Houellebecq et l'ère du flou, nouvelle tendance des vieux démons. Alors pour certains, vous êtes une sorte de fou doublé d'un obsédé sexuel, et puis pour d'autres, vous êtes le romancier génial de la fin de ce siècle et même du siècle qui pointe. Bon, tout ça n'est pas incompatible les deux propositions. Mais j'exagère évidemment. Ouais. Mais comment vivez-vous quand même cette polémique ? Oh, c'est quand même fatigant. Oui, parce que j'avais pas prévu du tout, parce que c'est pas tellement un roman à thèse, hein, au bout du compte. Cette polémique, donc vous l'aviez pas prévu, mais en même temps, bon, on peut dire aussi qu'elle prouve que vous êtes devenu un auteur important, parce qu'on se bat pas dans la presse et dans des journaux très sérieux autour de n'importe qui, c'est pas. Donc je crois que ça valorise d'une certaine manière votre livre, non ? Même pour ceux qui le descendent en flammes. Oui, mais c'est dangereux à long terme parce que on finit par pas parler du livre. Avec les particules élémentaires, Michel Houellebecq bouscule et une première polémique voit le jour. Elle reste d'abord limitée au milieu littéraire et intellectuel. Depuis quelque temps, l'écrivain collabore à une revue perpendiculaire éditée par Flammarion et plutôt classée à gauche. Pour la sortie de son livre, on réalise un entretien avec Houellebecq. Il se passe plutôt mal, car on se rend compte des divergences idéologiques profondes entre les intervieweurs et l'interviewé. S'appuyant sur certains thèmes du livre, notamment la maturation du racisme de l'un de ses personnages, Houellebecq repousse la question, explique que selon lui, le racisme est uniquement un problème démographique, que dans le livre, le personnage ne devient raciste que par compétition sexuelle. À l'issue de cet entretien, les membres du comité de rédaction décident d'évincer Michel Houellebecq et en profitent pour dénoncer la droitisation de la vie intellectuelle française qu'incarnerait le romancier en vogue. Il faut dire que dans son nouveau roman, certaines positions ne manquent pas de faire réagir. Misogynie appuyée, utopie eugéniste, destruction en règle de mai 68, insultes contre les religions. Dans ses déclarations également, Michel Houellebecq surprend. Il n'hésite pas à confier son affection pour les catholiques traditionalistes, se défend d'être classé comme réactionnaire, mais assume son conservatisme. En pleine remise des prix, tout le pari littéraire est en ébullition. Ils sont nombreux à vouloir ou à penser, ou les deux, que Michel Houellebecq remportera le prix le plus prestigieux d'entre tous, le Goncourt. Et dans cette atmosphère, l'annonce du résultat ne manque pas de faire réagir, à commencer par le premier concerné. C'est très méchant avec Paul Constant. Non, c'est un livre médiocre, mais pas très mauvais. Et le vôtre par rapport au sien? Il est bien meilleur quand même, ça sans problème. Hein. Le bonhomme est comme ça, sans concession avec Paul Constant, le prix Goncourt de cette année. Mais on ne sait jamais s'il provoque ou s'il dit vrai. La polémique autour de lui tient autant du personnage que de l'œuvre. Une œuvre qui a déjà largement rencontré le public, puisque son livre, Les particules élémentaires, a passé le cap des 150 000 exemplaires. Curieux sentiment, on se dit qu'on retiendra sans doute plus le nom du perdant de ce concours 98 que son vainqueur, Paul Constant. Mais que reproche-t-on exactement à Houellebecq ? Dès le départ, cette question en soulève une autre, éternelle, celle-ci, et qui se résume en deux mots, qui parle ? Quelle est la part des pensées du romancier dans celle de ses personnages ? Confusion, ambiguïté que l'on retrouve dans les soutiens de l'auteur, à la fois salués par une partie de la presse progressiste et une autre plus conservatrice. Enfin, quel rôle joue l'image que renvoie l'homme public, son look, son physique, son attitude dans cette réception à la fois réussie et contrariée ? Là aussi, Houellebecq attire ou repousse, agace ou séduit. Quoi qu'il en soit, le phénomène est lancé. Les particules élémentaires rencontrent un incroyable succès en librairie en même temps qu'elles inaugurent un dispositif. Désormais, on a le sentiment en effet que tout nouveau roman de Houellebecq fera événement et plus si affinité, autrement dit, le scandale. En même temps qu'un romancier, un polémiste est né. Et 4 ans après, le show Houellebecq continue. Michel Houellebecq se serait sans doute bien passé du soutien bruyant d'une poignée de militants d'extrême droite venus cet après-midi au palais de justice pour un procès placé sous le signe de l'ambiguïté, puisque les associations musulmanes qui poursuivent l'écrivain lui reprochent tout à la fois ses déclarations sur l'islam au magazine Lire et les fantasmes anti-musulmans du héros de son dernier roman. Il est scandaleux d'attaquer un écrivain français pour délit d'opinion ou blasphème, ce qui n'existe pas dans la République laïque où nous vivons, et comment la chose a été organisée de telle façon qu'on va oublier à quel point Michel Houellebecq mérite le respect de l'État français. Le recteur de la mosquée de Paris n'est pas du même avis. Bien sûr, au départ, c'est un roman un peu déprimé, d'un dépressif. Il m'a rappelé vaguement L'étranger de Camus, l'absurdité des temps modernes, etc. Puis beaucoup de cochonneries. Mais là, de traiter le monde de cochon et les musulmans de cons, écoutez, il n'a pas insulté des mythes ou des idées, il a insulté des êtres vivants. Septembre 2002, 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris. 4 ans après les particules, c'est l'ambiance des grands jours dans cette chambre singulière où l'on juge les mots et les écrits. Il faut dire que le casting réunit aujourd'hui quelques figures majeures du milieu littéraire. Philippe Solers, Pierre Assouline, Fernando Arrabal. Un vrai plateau d'apostrophe. La raison est simple. L'accusé, c'est Michel Houellebecq. Les plaignants, la Ligue des droits de l'homme et plusieurs associations musulmanes. Un an plus tôt, au cours de l'été, en marge de la sortie de son nouveau roman intitulé « Plateforme », dans le magazine Lire, alcoolisé, Houellebecq déclare « Je me suis dit que le fait de croire à un seul Dieu était le fait d'un crétin. Je ne trouvais pas d'autre mot. Et la religion la plus con, c'est quand même l'islam. Quand on lit le Coran, on était effondré. Effondré. D'autres ont subi une fatwa pour moins que ça. » Ses propos publiés en septembre 2001, quelques jours avant les attentats du World Trade Center, lancent la polémique, évidemment. Des représentants de Flammarion s'excusent publiquement. Les tribunes se succèdent, pour ou contre l'écrivain. Si bien qu'un an après l'entretien, au tribunal, on ne sait plus très bien si on juge la déclaration de l'interviewé, l'écrivain de plateforme, ou le phénomène Houellebecq. Devant le juge, l'auteur s'explique. Je ne suis pas un intellectuel à la Sartre. Autant je mets les points virgules mieux que quiconque, autant sur le monothéisme, je peux varier. Finalement, Michel Houellebecq est relaxé. Mais un sentiment étrange entoure ce procès, l'œuvre en construction de l'auteur. Les coïncidences du texte d'abord, car quelques semaines avant le procès surviennent les attentats de Bali, en octobre 2002. Dans Plateforme, Michel Houellebecq décrit justement un an auparavant une scène similaire à cet événement tragique. Une coïncidence qui donne au romancier une aura particulière. Et puis, quelle est la part consciente de l'écrivain dans cette mise en scène publique? N'y a-t-il pas une démarche artistique propre, héritée de l'art contemporain dans sa représentation médiatique? Quoi qu'il en soit, en 3 romans et en 7 ans, Michel Houellebecq s'est imposé dans le paysage littéraire français, dans les ventes, autant que dans la critique. Marqué par le procès et cette médiatisation, Michel Houellebecq décide de prendre le large. Il s'exile en Irlande. Et c'est tout naturellement qu'on se demande si le plus houellebecquien des personnages de Houellebecq n'est pas Houellebecq lui-même. Dans cette matinée, le jardin est brillant. Les arbres sont tordus, ils sont tous ceux que j'aime. Dans cette matinée, les arbres sont tordus et leur feuillage est rouge, parlons fou. Bientôt le soir viendra, le jardin sera là, sans personne dedans, moi je serai couché. Le jardin sera là, moi je serai couché. Je dormirai sous, je parle en fou. Des années ont passé, je ne sais plus dans quel ordre. Je n'ai pas trop parlé, il y avait tant à dire. Des années ont passé, je n'ai pas trop parlé. Je n'avais pas le goût, je parle en fou. J'ai aimé une femme passait par ici, qui portait une robe et qui portait un sac. Qui passait par ici et qui portait ce sac. J'ai embrassé sa joue, je parle en fou. Je n'ai eu qu'un pays et j'ai eu 4 frères. Ils sont là quelque part, chacun est dans sa ville. Je n'ai eu qu'un pays, chacun est dans sa ville, chacun est dans son trou, je parle en fou. Une odeur vient à moi, et je peux en pleurer. Le gasoil dans la pluie qui baise la lumière. Une odeur vient à moi, qui baise la lumière. Ouvre à celui qui bouge, parle en fou. La rentrée littéraire cette fois est ce qu'il faut bien appeler le phénomène Michel Houellebecq. Comme d'habitude, la polémique est là. Parmi les 400 nouveaux romans français de cette rentrée, celui d'Houellebecq cumule déjà tous les records. Record de tirage, 200 000 exemplaires. Record de la somme déjà versée à l'auteur, 1,5 million d'euros. Il est arrivé pendant l'été, au compte-gouttes, sur le bureau de quelques journalistes. Le dernier Houellebecq, lancé d'une manière tout à fait inédite en France. Maintenant, Houellebecq rêve du Goncourt, mais là, il y a d'autres provocateurs en course. C'est le livre de la rentrée, celui dont tout le monde parle. Le dernier, Michel Houellebecq, La possibilité du Nil, est sorti aujourd'hui en librairie. Une sortie en masse, 200 000 exemplaires, parfaitement orchestrée et précédée, comme d'habitude avec Houellebecq, de nombreuses polémiques. Je dénonce une double imposture dans le cas de Houellebecq. Il y a une imposture littéraire qui consiste à faire passer un auteur, à mon avis, de second ordre pour un génie de la littérature. Et puis, il y a une imposture médiatique, c'est-à-dire qu'il y a un tapage qui est organisé de telle manière qu'on ne laisse pas le choix au lecteur. Il y a une sorte de sidération du lecteur qui est persuadé qu'il a affaire à un grand écrivain. Dans la littérature, comme dans le vin, il y a des saisons et des millésimes. Une rentrée littéraire avec un nouveau roman de Michel Houellebecq s'annonce toujours comme un cru, disons, particulier. Alors, dans chaque camp, on se prépare, on prend ses marques, on consolide ses arguments. Et à la rentrée 2005, pour le 4e roman de l'auteur, on se dit que l'attente n'a jamais été aussi forte. La sortie du livre « La possibilité du Nil » illustre toutes les querelles, stratégies et conflits au sein du milieu littéraire. Pendant l'été, le livre n'a été envoyé qu'à certains journalistes proches de Michel Houellebecq. Les autres ont dû attendre la sortie en librairie. En même temps que la publication du roman, 2 ouvrages consacrés à l'auteur sortent. Une biographie non autorisée du journaliste Denis de Montpion et une dénonciation du phénomène Houellebecq par Éric Nolot. curieuse dénonciation d'ailleurs, qui profite de ce même système qu'il critique pour éditer des livres. Mais bon, de son côté, Michel Houellebecq, lui, défend son roman. Mais si Houellebecq vend, c'est qu'il est lu, c'est qu'il plaît, c'est que ce qu'il dit à travers ses livres et ce qu'il fait passer dans ses interventions par le lecteur bouscule la société. Voilà le cœur du phénomène Houellebecq. Il a du talent et de surcroît, il se vend bien. Sûr de ce talent, il ne dit pas autre chose d'ailleurs pour se défendre. Bon, là j'ai décidé de... d'arrêter de faire de la fausse modestie parce que ça se verrait. Ouais. Donc c'est vrai que mon livre est bon. Oui, c'est un peu normal qu'il écrase la rentrée, oui. C'est pas de ma faute, enfin je veux dire... totalement. Ouais, ça déclenche beaucoup de haine en tous les cas, non? Oui, mais ça aussi c'est normal. On peut pas en vouloir. Moi, la jalousie est un sentiment humain que je comprends parfaitement, avec lequel je sympathise même, et que je suis toujours prêt à pardonner. À l'occasion de ce roman où la polémique s'arrête cette fois à la supposée accointance entre Michel Houellebecq et la secte de Raël, les affrontements entre pro et anti-Houellebecq atteignent leur paroxysme. On se rend compte du côté cannibale de l'auteur qui vampirise les autres et lui-même. D'un côté, sa médiatisation laisse au second plan les autres écrivains, de l'autre, on passe souvent à côté du roman en tant que tel. Une fois encore, le voilà pressenti pour le Goncourt. Et certains membres du jury vont même jusqu'à afficher publiquement leur vote pour Houellebecq avant même les délibérations. Pourtant, il passe encore à côté. Michel Houellebecq dérange, bouscule, perturbe. Alors, il fait comme toujours, il s'en va. Comme d'habitude, après avoir surgi dans l'actualité au moment de l'apparition d'un nouvel ouvrage, s'être prêté avec plaisir à la promotion, il disparaît pour écrire. Une attitude qui inspire d'ailleurs son prochain roman. Lorsqu'il revient 5 ans plus tard, en 2010, avec La carte et le territoire, de retour chez Flammarion, c'est comme si quelque chose avait changé. Le roman raconte l'histoire d'un peintre esseulé qui se retire du monde, métaphore d'une nouvelle image de l'artiste. Cette fois, rien de sulfureux dans l'ouvrage. Sur les plateaux de télé, c'est un Michel Houellebecq en forme, l'air apaisé qui arrive. Ultime coquetterie, l'un des personnages du roman est Houellebecq lui-même. L'écrivain se met en scène, se joue de sa propre image, l'ironise et va jusqu'à se donner la mort. Autant un pied de nez qu'un regard amusé sur le phénomène qu'il est devenu. Et il semblerait que cette nouvelle posture séduise le jury du Goncourt. Peu avant 13h, chez Drouin à Paris, le prix Goncourt 2010 attribué à Michel Houellebecq pour La carte et le territoire chez Flammarion. Il était le favori de ce prix littéraire le plus convoité de la place de Paris. Et l'enfant terrible de la littérature française a dit, à sa façon, vous allez l'entendre, son plaisir de se voir ainsi distingué. C'est une sensation bizarre, hein. J'ai une sensation bizarre là qui... Mais enfin bon, je suis quand même très content. Je saurais pas lui décrire, je me dis quelle drôle de chose quand même les médias, quoi. Quelle drôle de chose. Quel drôle de métier aussi, vous faites. Mais profondément, je suis heureux. Non mais je sais pas, je suis quand même pas si sinistre que ça, enfin j'ai une réputation, mais... Moi je me trouve pas sinistre, enfin, dans la vie privée en tout cas. Avec La carte et le territoire, à la fin de l'année 2010, l'écrivain français atteint une forme d'apogée. La rencontre d'une reconnaissance critique longtemps attendue est maintenant couronnée par l'obtention du prestigieux prix, ainsi qu'un succès populaire qui ne faiblit pas. Pour Michel Houellebecq et Flammarion, c'est la consécration. Mais elle ne dure qu'un temps. Par une tragique coïncidence, le plus célèbre des écrivains français contemporains s'invite de nouveau, quelques années plus tard, au cœur de la polémique. Nous sommes le 7 janvier 2015. À la matinale de France Inter, Michel Houellebecq est l'invité principal pour son nouveau roman au titre choc, Soumission. Le pitch a déjà fait le tour des salles de rédaction. C'est l'histoire d'un professeur d'université dans une France qui, en 2022, voit l'accession à l'Élysée d'un président appartenant à un parti musulman grâce à une coalition de toutes les forces politiques du pays pour faire barrage au Front National de Marine Le Pen. À travers le regard des professeurs, nous suivons le parcours d'une société qui se résigne à accepter la mise en place de la charia contre l'amélioration économique et l'apaisement social du pays. Quelques mois seulement après le succès en librairie du suicide français d'Éric Zemmour, le livre de Michel Houellebecq arrive dans un contexte tendu et s'attaque à un sujet délicat. L'islam, vous ne le voyez plus comme la religion la plus con du monde ? Non, tout compte fait, disons qu'après lecture approfondie du Coran, je suis sûr qu'on peut négocier, en fait. Je veux dire, la position normale, enfin, d'un lecteur du Coran, on fait quelqu'un avec qui on peut négocier. Bon, le problème, c'est que c'est toujours qu'il y a une marge d'interprétation, effectivement, en prenant une sourate, en l'exploitant à fond, en éliminant cinq autres, on peut aboutir à un djihadiste. Il faut vraiment une sérieuse dose de malhonnêteté pour lire le Coran et pour aboutir à ça. Mais c'est possible. On négocie, mais si je me réfère à votre roman, on négocie au prix de la mort de la République. Une transformation, ouais. Oui. Ah, une petite transformation. Oh ben oui, mais vous savez, bon, la France existait avant la République, existera peut-être après. Enfin, c'est pas non plus. C'est pas un. C'est vrai que c'est pas un de mes absolus. Ce même mercredi 7 janvier 2015, dans les kiosques parisiens, le journal satirique Charlie Hebdo sort son numéro de la semaine. Sur la couverture, un dessin de Michel Houellebecq avec une phrase en référence à son nouveau roman, Les prédictions du mage Houellebecq en 2015. Je perds mes dents en 2022, je fais ramadan. À l'intérieur du journal, un article de son ami Bernard Maris, passionné par le romancier et qui lui a consacré un livre intitulé « Houellebecq économiste ». Il est d'ailleurs présent ce jour-là, Bernard, dans les bureaux du journal pour la conférence de rédaction du mercredi, où l'habitude veut qu'on commence toujours par faire un retour critique sur le numéro du jour avant de s'attaquer au suivant. À Charlie Hebdo comme ailleurs, on s'affronte sur le cas Houellebecq. Il y a les pour, il y a les contre. Ici comme ailleurs, règne la liberté d'expression et d'opinion, l'échange des idées et le débat critique. Et c'est en grande partie à cela, ce matin-là, que les frères Kouachi se sont attaqués, mettant fin à la vie de 11 personnes, dont Bernard Maris, notre ami. Le choc de l'attentat islamiste contre le journal bouleverse la France. Et la terrible collision entre la promotion du roman de Michel Houellebecq, de son sujet, des questions qu'il pose et des polémiques qu'il soulève, avec cet événement tragique, frappe les esprits. Si bien que le lendemain des attentats sur RTL, le Premier ministre Manuel Valls n'hésite pas à mentionner le nom du romancier. Non, la France, ça n'est pas la soumission. La France, ça n'est pas Michel Houellebecq. La France, ça n'est pas l'intolérance, la haine, la peur, jouer sur les peurs en permanence. C'est l'occasion pour nous de dire non. Nous refusons ces amalgames, cette intolérance, cette haine, ces discours qui traumatisent. Les déclarations du Premier ministre surprennent au moment où, justement, quelques jours plus tard, des millions de Français défilent au nom de la liberté d'expression. Profondément marqué par la perte de son ami Bernard Maris et par l'ampleur prise par les événements, Michel Houellebecq décide une fois encore de s'isoler. Et sa réponse se trouve au début de son dernier livre, où il revient sur cette tension entre l'auteur et le narrateur, comme s'il avait conscience de la sensibilité du sujet auquel il s'attaquait, comme s'il savait que depuis le début, il avait entretenu cette question propre à la littérature. Quelque part, dès les premières pages de Soumission, Houellebecq se préface lui-même. Alors bien entendu, lorsqu'il est question de littérature, la beauté du style, la musicalité des phrases ont leur importance. La profondeur de la réflexion de l'auteur, l'originalité de ses pensées ne sont pas à dédaigner. Mais un auteur, c'est avant tout un humain, présent dans ses livres. Qu'il écrive très bien ou très mal, en définitive, importe peu. L'essentiel est qu'il écrive et qu'il soit effectivement présent dans ses livres. Un livre qu'on aime, c'est avant tout un livre dont on aime l'auteur, qu'on a envie de retrouver, avec lequel on a envie de passer ses journées. À suivre le parcours de Michel Houellebecq, on se rend compte que son œuvre s'est construite en même temps que son image a évolué. L'écrivain est aussi et surtout le produit de son époque, celle dont il a justement fait le cœur de son œuvre. Une époque qu'il tente à chaque roman de saisir ou d'envisager, de sonder et de détruire parfois. Avec ce détachement qui lui fait souvent dire « tout peut arriver dans la vie » et surtout rien. Alors oui, parfois, souvent, le scandale arrive, mais comme le disait l'écrivain et cinéaste Pasolini, « scandaliser est un droit, être scandalisé est un plaisir ». Nous avons traversé des époques de haine, des temps controversés, sans dimension humaine. Et le monde a pris forme, le monde est apparu, dans sa présence nue, le monde. « She better come now. Cause if she ain't gonna come, gonna do what I want. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Michel Houellebecq, sa vie, son œuvre, et notre invité Sylvain Bourmeaux. Bonjour. Bonjour Fabrice. Journaliste Sylvain Bourmeaux, producteur, spécialité culture. Évidemment, vous venez de publier un recueil de poésie intitulé Bâtonnage. Alors, vous êtes l'un des amis de Michel Houellebecq, et je rappelle que la poésie était très importante pour lui. Il a commencé comme ça, et puis ça a continué. Votre recueil de poésie doit quelque chose à Houellebecq, un peu Un peu, beaucoup sans doute, le fait d'oser la poésie déjà. Oui. Ouais. Aujourd'hui, début du XXIe siècle. Et puis, je dirais, un rapport à l'art contemporain, c'est-à-dire une manière de considérer que la littérature, c'est de l'art contemporain. C'est-à-dire que la littérature ne se réduit pas au texte. Mmh. Elle est plus vaste que ça. Et c'est peut-être cette idée-là de Michel Houellebecq qui m'a encouragé, décidé. À vous lancer. Ouais. Bon. Alors, vous connaissez Michel Houellebecq, mais ce qu'il a de privé le regarde et vous regarde. On va donc parler de l'écrivain, aussi quand même un petit peu de l'homme, hein, c'est tellement indissociable pour le coup. Bon, la doxa nous laisse à penser que c'est un personnage infréquentable, les choses ne sont évidemment pas aussi simples. Quel homme est-il? D'abord, j'ai envie de dire un honnête homme, un homme honnête. Je connais peu de gens aussi lucide sur eux-mêmes que Michel Houellebecq. C'est-à-dire que souvent, les gens font une erreur à propos de Michel Houellebecq en le présentant comme un manipulateur, un provocateur, quelqu'un qui jouerait un rôle. C'est-à-dire que grosso modo, il y aurait, comme il y avait Gainsbourg et Gainsbard, il y aurait je sais pas quoi et Houellebecq. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que il y a aucune espèce de second degré chez Michel Houellebecq. C'est ça qui, pour moi, est le plus important au fond dans son œuvre. C'est-à-dire que depuis le début, j'ai pris le parti de le lire au premier degré. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humour, mais il n'y a certainement pas une forme d'humour ironique. Cet humour ironique qui a prospéré à partir des années 80. Michel Houellebecq est assez étranger à ça. Et ce qui fait la puissance de ses œuvres, c'est cette capacité à regarder le monde sans filtre et à se regarder soi-même dans la glace et à produire, c'est souvent le cas avec ses romans, des séries d'autoportraits sans pitié, sans la moindre commisération sur son propre sort. C'est-à-dire que il y a peu de gens capables de désactiver à ce point les mécanismes d'inhibition les plus enfouis en soi. Et je pense que c'est cette capacité à se regarder en face, à regarder le monde aussi directement, qui fait sa puissance littéraire. C'est-à-dire que l'écrivain, on le dit généralement, et c'est vrai d'ailleurs, il est le témoin de son époque. Ça lui va particulièrement bien, ça, cette fonction de l'écrivain comme témoin de son époque et homme de son époque. Il est non seulement témoin et homme de son époque, mais il a cette capacité à objectiver son époque. Et pour ça, à mettre en place des dispositifs qui lui permettent de se mettre à côté en même temps de cette époque. C'est-à-dire... À cette distance pour pouvoir la voir lucidement, c'est ça, et être dedans en même temps. Cette technique qui a longtemps été utilisée par les écrivains voyageurs, soit qu'ils voyagent réellement, soit qu'ils inventent des voyages. Cette manière de procéder par estrangement, comme disait l'auteur des Lettres persanes. Mmh. Cette capacité de comparer. Michel Houellebecq a ça, il est capable de mettre en place des manières d'objectiver ce monde, de faire aussi, par exemple, jouer les échelles, c'est-à-dire qu'il est celui qui est le plus à même, je trouve, de produire un effet qu'on peut appeler l'effet Google Earth dans la littérature. Vous savez, cette manière de partir d'une vue de la Terre depuis la Lune, par exemple, et d'arriver à l'intérieur d'une maison, et à l'intérieur de cette maison sur une chaise, et à l'intérieur de cette chaise sur le matériau même qui la compose. C'est-à-dire que Houellebecq est capable, en un paragraphe, de situer un personnage dans le vaste monde, au milieu du monde, pour reprendre le sous-titre d'un de ses romans. Alors, comment vous expliquez le premier vrai phénomène littéraire signé Houellebecq, Les particules élémentaires? Qu'est-ce qui fait que ce roman a déclenché chez beaucoup de lecteurs quelque chose de fort? Alors, il y a un titre qui est magnifique, je trouve, Les particules élémentaires, parce qu'il a quelque chose de mystérieux, on a envie d'y entrer. Hein, c'est... Bon, il n'y a pas que ça, évidemment, il y a tout le reste. Qu'est-ce qui fait le phénomène littéraire, d'abord avec particules élémentaires? Il y a ce dont on vient de parler au cœur d'un roman qui est une fresque, qui est un roman avec une dimension historique, qui est un roman philosophique aussi, un roman d'idées. Mmh. Hein. Mais il y a, avant le texte, parce que c'est d'abord le texte et sa qualité qui fait probablement son succès, mais avant le texte, il y a une attente incroyable de ce livre, qui va être aussi à l'origine de son succès rapide. C'est quoi l'attente? C'est l'attente d'un nouveau Houellebecq, le deuxième, ou c'est l'attente d'autre chose? L'attente du lectorat, parce qu'il faut se rappeler qu'en 1994, c'est à cette occasion que j'ai eu l'occasion de rencontrer Michel Houellebecq, hein, quand il a publié Extension du domaine de la lutte. Mm. Ce livre a eu un succès d'estime qui a mis du temps à s'installer, à se diffuser sur une année et demie, disons. C'était le meilleur secret, le bouche à oreille fonctionnait, si les gens se recommandaient la lecture de ce livre. Et au fond, au bout du compte, Michel Houellebecq, avec Extension du domaine de la lutte, a créé un lectorat qui n'était pas énorme, mais qui était un lectorat de gens convaincus, acquis, sidérés au fond par le choc de cette lecture, parce qu'Extension du domaine de la lutte, en 1994, c'était quelque chose. Je veux dire... prendre comme sujet de roman la vie banale dans une entreprise. Aujourd'hui, on ne se rend pas bien compte parce qu'il y a tellement de gens qui ont voulu faire du Houellebecq après Houellebecq et qui ont raté, qu'on mesure mal l'effet de surprise. Et donc, il y a eu cette... on attendait la suite, on attendait un nouveau roman. Et là, Michel Houellebecq a été très très fort parce qu'effectivement, un grand éditeur, parce que c'est Maurice Nadeau qui avait publié son premier roman, un grand éditeur lui a proposé de le publier, Flammarion, et Houellebecq, au lieu de publier ce nouveau roman attendu, a publié un recueil de poèmes. C'est d'abord un poème. Enfin, pour lui, la poésie est au-dessus de tout. Hein. Ouais. Et donc, il a déjoué les attentes, et donc il a fait durer. Et il a fallu attendre 1998, 4 ans, pour avoir ce roman. Et donc, à l'époque, j'étais aux Inoccupables, on a accompagné, je dirais, la sortie de ce livre. On a la photo dont vous parliez tout à l'heure, prise par Renaud Montfourny, au moment de la sortie des particules élémentaires, à la fin du mois d'août, elle a été prise dans les jardins de l'hôpital Cochin, parce que j'avais eu l'idée d'aller faire les photos pour ce livre qui parle d'expériences, de sciences dans un laboratoire de génétique de l'hôpital Cochin. Et c'était assez comique parce qu'il y avait des souris qui couraient partout, on essayait de les attraper, on a fait poser Michel Houellebecq avec une blouse blanche parmi les pipettes, etc. Et ça, c'était les photos couleurs pour la une. Et Renaud Montfourny, qui est d'abord un portraitiste, a demandé à Houellebecq, en sortant de l'immeuble, de faire un portrait simplement devant. Et il avait ce sac plastique, il avait voilà, il était habillé comme d'habitude. Et Renaud Montfourny a capturé ce moment qui est devenu, enfin c'est devenu construction d'un personnage, une photo totalement iconique et qui fait partie de la littérature. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la littérature, ce ne sont pas que les textes, c'est aussi le personnage de l'écrivain, la pose, la posture de l'écrivain. Alors, à propos du personnage et de la posture de l'écrivain, on va écouter ensemble une archive, un extrait du film de Guillaume Niclou, L'enlèvement de Michel Houellebecq, produit par les films du Varceau. L'écrivain donc joue son propre rôle, il est enlevé par de drôles de kidnappeurs, dont l'un notamment s'intéresse à la littérature, ça tombe bien. T'as quand même des repères de littérature, des repères... Ça joue pas tant que ça. Ah, c'est intéressant ça. Ce qui est important, c'est de... de rien faire, de s'ennuyer un peu, il y a quelque chose qui finit par se passer dans la tête, quoi. J'ai rien compris. Tu fais rien, tu t'ennuies, et il y a quelque chose qui finit par se passer dans la tête. Des idées viennent. Ça du vide. Des mots viennent. Le vide. Et tu arrives à faire le vide? Oui, mais il faut placer dans les conditions. Par exemple, là, tu vas pas écrire de livre, parce que t'attends un coup de téléphone, alors ça t'angoisse. Mais, ouais, d'accord. Mais... Enfin, même complètement libre, en fait, pas un peu. Pour pouvoir ressortir des choses. Voilà, pour que des choses se produisent. Il faut quand même que tu aies vécu certaines émotions et certaines... Oui, mais ça, tout le monde vit un peu. Moi, j'ai pas vécu beaucoup. Hein. Ouais, mais t'as les gens. Ah bon? Non, pas plus que n'importe qui. Ah ouais? Non. Mais rien me convient, quoi, je veux dire. Je, Je parle à quelqu'un au supermarché qui se plaint qu'on change toujours le rayon de place, un petit vieux qui retrouve plus ses produits. Tout de suite, ça y est, ça me fait déjà une scène. Est-ce que je prends un peu de vin, s'il vous plaît? Un peu plus. Ouais, ouais, mais ceci dit, enfin, tu vois, j'ai bien compris que tu buvais beaucoup. Hein. Ceci dit, je veux pas que tu te cartonnes la gueule comme ça, tu vois. Bon, mon Jean, du vin, c'est pas excessif. Tu négocies tout. Hein. Le syndrome de Stockholm, à côté, c'est rien. Le geôlier qui est... Bon, elle est belle, cette scène. Vous aimez quand Houellebecq se joue de lui-même, comme ça? C'est ça aussi, être un honnête homme, pardon. Pouvoir se jouer de soi-même. Oui, capable de se regarder en face. Et ce film est très étonnant parce que j'ai eu le sentiment, je l'ai vu deux fois, j'ai eu le sentiment que finalement Houellebecq avait réussi à piéger Guillaume Nicloux. C'est-à-dire que je pense que Nicloux s'était dit tiens, c'est une bonne idée, je vais prendre Houellebecq, ça va être un personnage, et je vais au fond faire un peu. Vous savez, c'est cette émission qui se moquait des gens à la télévision, qui était une espèce de regard striptease. Enfin, oui, bon, et absolument. Je vais faire un peu une sorte de long métrage façon striptease où je vais donner à voir Houellebecq et les gens riront. Et ça s'est retourné contre le réalisateur qui a fait, malgré lui, je trouve, un beau film, mais grâce à son acteur qui n'a joué aucun rôle si ce n'est le sien propre. Alors, on va faire un petit tour. Vous n'échapperez pas, Sylvain Bourmeau, un tour d'horizon de l'œuvre de Houellebecq. En tout cas, vous n'échapperez pas à la question. Quel est le livre de Houellebecq qui vous touche le plus? La possibilité du Nil. Et donc, pourquoi? Parce que dans ce livre, Michel Houellebecq a réussi ce qu'il s'était fixé pour objectif. D'ailleurs, il aurait pu arrêter d'écrire, je pense, à partir de ce moment-là, parce qu'il est persuadé d'avoir réussi ça, et je pense qu'il a raison. Il a réussi à faire triompher la poésie au cœur d'un roman. La troisième partie de La possibilité du Nil, c'est ce qu'il a écrit de plus beau. C'est à la fois, ça s'inscrit dans la tradition de la poésie romantique, lyrique, hugolienne, des contemplations, et en même temps, c'est dans un roman. Donc, non, c'est un livre extraordinaire. Et Plateforme, qui montre si bien au milieu du livre, hein, il y a trois parties en gros dans Plateforme, la mondialisation, le premier voyage en Thaïlande, et puis après cet attentat qui est prémonitoire pour le coup, parce qu'il se passe un an après la même chose, à peu près à Bali. Il est puissant, ce livre, Plateforme? Non, Plateforme, il est bien titré, c'est une plateforme, et je crois que Houellebecq lui-même le souligne, et Houellebecq lui-même est lucide à propos de ce livre. C'est pas un mauvais livre, mais c'est un ton en dessous d'autres. C'est un ton en dessous des Particules élémentaires, c'est un ton en dessous évidemment de La possibilité du Nil, mais aussi de La carte et le territoire, par exemple. Est-ce qu'on pourrait le rapprocher par ce côté à la fois désespéré, lucide, le regard qu'il a sur le monde dans lequel il vit? Est-ce qu'on pourrait le rapprocher des écrivains viennois, pas de la fin du 19e, je pense à Stefan Zweig, Romer Musil, des gens comme ça? Est-ce qu'il pourrait tenir un peu ce rôle-là pour nous, dans ce pays, la France, aujourd'hui? Oui, j'avais jamais pensé à cette comparaison, mais Musil, oui, il y a probablement des capacités à se faire chroniqueur de l'époque, ouais. Très certainement. Il y a aussi une dimension philosophique dans ses romans, même si cette philosophie n'est pas la même. Houellebecq vient de publier, en même temps que Le Cahier de Lerne, aux éditions de Lerne aussi, un essai qu'il a écrit depuis longtemps, dont j'avais publié quelques longs extraits dans Mediapart à l'époque, sur Schopenhauer. Et voilà. Et par ailleurs, il y a d'autres auteurs, Auguste Comte, mais il y a aussi, à mon avis, un auteur dont on parle assez peu, qui est peut-être l'influence la plus forte du côté de la non-fiction sur Michel Houellebecq, c'est Alexis de Tocqueville. Tiens donc. Au fond, Houellebecq écrit comme Tocqueville. Il suffit de relire La démocratie en Amérique pour s'en rendre compte. Cette manière de proposer des analyses les plus claires possibles. Je parlais tout à l'heure de manière d'objectiver le monde. Donc, au fond, une sorte de proto-sociologie, d'une sociologie encore très littéraire, d'avant l'invention, d'avant la révolution sociologique qui va être celle de Durkheim, par exemple, à la fin du 19e siècle. Donc Houellebecq nous dit aussi qu'on est assis sur un volcan, peut-être. Il enregistre certainement des choses. Après, tous les livres ne se valent pas. soumission, de ce point de vue, me semble un piètre sismographe de l'époque. Il cherche davantage, plutôt qu'à enregistrer, à provoquer des choses. Alors, soumission, on va écouter une deuxième archive sur la question de l'islam, justement. Dès le départ, il s'interroge, Houellebecq, sur cette religion en particulier. Écoutez cette archive qui remonte à 1995. De manière évidente, l'islam est en lutte active contre toutes ces idées de liberté que nous défendons, société occidentale. Il est tout à fait possible que l'islam gagne. Auquel cas, on pourra effectivement parler de retour de l'ordre moral quand l'islam aura gagné. Mais là, c'est pas ça qui se passe. En fait, je préférerais qu'on arrive à un consensus plus humaniste. Encore un consensus? Oui, parce que oui, mais je sais pas qu'est-ce que vous. Enfin, on est quand même dans la merde, je veux dire, ça va pas, enfin, ça va pour personne. Parce que le consensus, vous croyez, aiderait à se sortir de ça? Ah oui, il faudrait trouver un projet de société collectif, oui. Je suis pas un utopiste, quoi. Je vais pas me lancer demain dans un livre décrivant une société meilleure. Parce que je suis trop honnête pour faire ça. Tiens, honnête, ça croise ce que vous disiez, Sylvain Bourbeau. C'est quoi ce rapport à l'islam qui semble envahissant presque? En tout cas, il est souvent aussi sollicité pour en parler. Donc ça crée un effet d'invasion comme ça. Tout ça est né d'une malheureuse polémique, d'un entretien qu'il a donné alors que, semble-t-il, il avait bu beaucoup d'alcool. Et bon, après, ça pose la question de la responsabilité du journaliste qui traduit des propos de quelqu'un qui est en état d'ébriété, et comment Houellebecq a choisi d'assumer ses propos. En même temps, quand on écoute ce qu'il disait chez Patrick Cohen au matin de janvier 2015, il était nettement plus nuancé. Ouais. Donc, je crois qu'Houellebecq est cohérent quand il défend l'idée, qui est tout à fait partageable, qu'il faut être crétin pour croire dans un monothéisme. Et quand il ne commence pas à distinguer entre les monothéismes. C'est-à-dire que c'est une position datée très très ferme. Il peut être anti-religieux. Pourquoi pas? On a le droit quand même de dire qu'on est contre les religions. Bien sûr. Là où ça commence à poser davantage problème, c'est quand on s'amuse à dire qu'une religion est plus dangereuse qu'une autre, en théorie, etc. Donc là, c'est beaucoup plus glissant. Et ce qui posait problème avec Soumission, c'est qu'au fond, c'est un livre, si on lit le texte, qui est islamophile, mais il est mis dans un dispositif qui vise à produire, et c'est le ressort thriller du livre, de l'islamophobie. Et ça, c'est un peu... Enfin, en tous les cas, ça m'a posé problème. Merci infiniment, Sylvain Bourmeau. Je rappelle votre recueil de poésie, puisque vous avez pris le risque de le faire en tant que vous lise. Hein. Ça s'appelle « Bâtonnage ». Merci, au revoir. Merci Fabrice. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Michel Houellebecq, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction consacrée au juge Michel et son enquête sur les bordels militaires corses.